Chapitre 52e. Mademoiselle de Beauménil, avant de se rendre chez Herminie le vendredi matin, n'avait eu aucune explication avec M. de la Rochegue et Mademoiselle Héléna au sujet de M. de Macreuse et de Mornant. Au retour du bal, Ernestine, prétextant d'une fatigue bien concevable, s'était retirée chez elle. Puis, le lendemain matin, elle était sortie seule avec Mme l'aînée pour se rendre chez Herminie. On devine sans peine les récriminations amères, courroucées, échangées entre le baron, sa femme et Mademoiselle Héléna, en revenant de cette malencontreuse fête où leurs prétentions secrètes avaient été démasquées. Madame de la Rochegue, toujours persuadée du futur mariage de M. de Saint-Terre et de Mademoiselle de Beauménil, fut impitoyable dans son triomphe, qu'elle ne dévoila pas encore, et accabla de sarcasmes et de reproches le baron et sa sœur. La dévote répondit doucement, pieusement, que le succès des méchants et des superbes était passager, et que le juste, un moment accablé, se relevait bientôt radieux dans sa gloire. Le baron, moins biblique, déclara avec une fermeté que sa femme ne lui connaissait pas encore, qu'il ne pouvait obliger Mademoiselle de Beauménil à épouser M. de Mornant après la déplorable scène suscitée par M. de Maillefort, mais qu'il refuserait complètement, absolument, irrévocablement, son consentement à tout autre mariage, jusqu'à ce que Mademoiselle de Beauménil eût atteint l'âge où elle pourrait disposer d'elle-même. Ernestine, à son retour de chez Herminie, avait été tendrement accueillie par Madame de la Rochegue, qui, toujours pimpante, souriante et triomphante, lui apprit que M. de la Rochegue, dans un premier moment de dépit, avait déclaré qu'il s'opposerait à tout mariage jusqu'à la majorité de sa pupille, mais que la volonté du baron ne signifiait rien du tout et qu'avant 24 heures il changerait d'avis, comprenant qu'il n'y avait de mariage possible pour Mademoiselle de Beauménil qu'avec M. de Saint-Terre. Et comme la baronne ajoutait qu'il serait convenable qu'Ernestine reçût le lendemain la mère de Gérald, qui désirait faire auprès de l'héritière une démarche officielle et décisive relativement au mariage projeté, la jeune fille répondit que, tout en appréciant le mérite de M. de Saint-Terre, elle demandait quelques jours pour réfléchir, voulant ainsi se donner le temps de se concerter avec M. de Maillefort et Herminie au sujet de ses projets à venir. En vain, la baronne insista pour hâter la décision d'Ernestine, celle-ci fut inflexible. Assez surprise et très contrariée de cette résolution, la baronne dit à l'orpheline au moment de la quitter « J'avais oublié de vous prévenir hier, ma chère belle, qu'après en avoir causé avec M. de Maillefort, qui est maintenant de mes meilleurs amis, et le vôtre aussi, vous savez tout le bien qu'il dit de M. de Saint-Terre, nous nous sommes promis de vous offrir l'occasion de faire une excellente action, dont j'avais d'ailleurs en l'idée même avant votre arrivée à Paris. Il s'agit d'une honnête et pauvre fille, qui a été appelée auprès de votre chère mère comme artiste. Cette jeune personne est très fière et fort dans la gêne. Nous avons donc pensé que, sous prétexte de leçons de piano, vous pourriez lui venir en aide, et si vous y consentez, le marquis vous la présentera demain. » On devine la réponse d'Ernestine, et avec quelle impatience elle attendit l'heure où elle recevrait Herminie accompagnée de M. de Maillefort. Enfin arriva ce moment, si impatiemment désiré depuis la veille. Mademoiselle de Beauménil voulut, ce jour-là, s'habiller absolument de la même manière que lorsqu'elle allait chez son amie. Elle portait donc une petite robe d'indienne des plus modestes. Bientôt, un valet de chambre ouvrit cérémonieusement les deux battants de la porte du salon où se tenait habituellement l'héritière, et il annonça à haute voix « Monsieur le marquis de Maillefort ». Herminie accompagnait le bossu, et ainsi qu'elle en avait la veille prévenu Ernestine, elle se sentait, pour plusieurs raisons, très troublée de cette entrevue avec Mademoiselle de Beauménil. Aussi la duchesse, dont le sein palpitait vivement, tenait-elle les yeux constamment baissés. Le valet de chambre eut le temps de fermer la porte et de sortir avant qu'Herminie n'eût reconnu Ernestine. Le marquis, jouissant délicieusement de cette scène, jetait un regard d'intelligence à Mademoiselle de Beauménil au moment où Herminie, surprise du silence qui l'accueillait, hasarda de lever les yeux. « Ernestine ? » s'écria-t-elle en faisant un pas vers son amie. « Vous, ici ?» Et profondément surprise, elle regarda le marquis, tandis que Mademoiselle de Beauménil, se jetant au cou d'Herminie, l'embrassait avec effusion, ne pouvant retenir des larmes de joie que la duchesse sentit couler sur sa joue. « Vous pleurez, Ernestine ?» dit Herminie de plus en plus étonnée, mais qui ne devinait rien encore, quoique son cœur battît pourtant avec une violence inaccoutumée. « Mon Dieu, qu'avez-vous, Ernestine ? » reprit-elle. « Comment vous retrouvez-je ici, chez Mademoiselle de Beauménil ? Vous ne me répondez pas. « Mon Dieu, je ne sais pourquoi je tremble ainsi. » Et la duchesse regarda le bossu, dont les yeux se mouillaient de pleurs. « Je ne sais, mais il me semble qu'il se passe ici quelque chose d'extraordinaire, » reprit Herminie. « Monsieur le marquis, je vous en conjure, dites-moi ce que cela signifie. » « Cela signifie, ma chère enfant, » dit Monsieur de Maillefort, « que j'étais bon prophète, lorsqu'en vous parlant de votre entrevue avec Mademoiselle de Beauménil, je vous disais que cette rencontre vous causerait un plaisir auquel vous ne vous attendiez pas. Alors, monsieur, vous saviez donc que je trouverais ici Ernestine. J'en étais sûr. Vous en étiez sûr. Oui, cela ne pouvait pas manquer. Pourquoi cela ? Par une raison bien simple, c'est que, vous ne devinez pas. Non, monsieur. C'est que les deux Ernestines n'en font qu'une. La duchesse était si loin de se douter de la vérité, que ne comprenant pas tout d'abord la réponse du bossu, elle répéta machinalement, en le regardant, « Les deux Ernestines n'en font qu'une. » Mais voyant son amie, émue, tremblante, la contempler avec une expression de tendresse et de bonheur ineffable en lui tendant les bras, elle s'écria, frappée de stupeur, presque de crainte, « Mademoiselle de Beauménil, ce serait, oh mon Dieu, c'est vous ?»« Oui, c'est elle. » s'écria le bossu dans un ravissement indicible. C'est la fille de cette excellente femme qui vous aimait tant et pour qui vous aviez un si profond, un si respectueux attachement. Ernestine est ma sœur, pensa la duchesse. À cette saisissante révélation, au souvenir de la manière étrange dont elle avait connu Mademoiselle de Beauménil et des circonstances survenues depuis leur première rencontre, Herminie, frappée d'une sorte de vertige, sentit ses idées se troublaient. Elle pâlit, trembla de tous ses membres, et il fallut qu'Ernestine la fît asseoir toute défaillante dans un fauteuil. Alors, agenouillée devant elle, la couvant d'un regard de sœur, Mademoiselle de Beauménil prit les mains d'Herminie dans les siennes et les baisa presque pieusement, pendant que le marquis, debout silencieux, contemplait cette scène attendrissante. « Pardonnez-moi, » balbutia Herminie, « mais l'isolement, le trouble où je suis, mademoiselle. »« Mademoiselle, oh, ne m'appelez pas ainsi !» s'écria Mademoiselle de Beauménil. « Ne suis-je donc plus votre Ernestine, l'orpheline, à qui vous avez promis votre amitié, parce que vous la croyiez malheureuse ? Hélas ! Monsieur de Maillefort, notre ami, vous dira que si je n'étais pas en effet bien malheureuse, et si votre tendre affection ne m'est pas plus nécessaire que jamais. » Qu'est-ce que cela vous fait que je ne sois plus la pauvre petite brodeuse ? Allez, Herminie, la richesse a ses infortunes bien grandes aussi, je vous le jure, de grâce. Souvenez-vous des paroles de ma mère mourante, qui, si souvent, vous parlait de moi, oh, par pitié, continuez de m'aimer pour l'amour d'elle. Rassurez-vous, vous me serez toujours chère, répondit Herminie à sa sœur, mais voyez-vous, c'est à peine si je puis m'en remettre du trouble, de la stupeur où me jette tout ce qui arrive. Pour moi, c'est comme un rêve, et quand je pense à la manière dont je vous ai rencontré, Ernestine, et à mille autres choses encore, j'ai besoin de vous sentir là, près de moi, pour croire à la réalité de ce qui se passe. Votre surprise est concevable, ma chère enfant, reprit le marquis, et moi-même, lorsque chez vous, il y a peu de jours, j'ai rencontré Mademoiselle de Beauménil, j'ai été tellement étourdi que si, pendant quelques instants, le hasard n'avait pas détourné vos regards, vous vous seriez aperçu de mon étonnement, mais j'avais promis le secret à Ernestine et je l'ai tenu jusqu'ici. » Le premier saisissement d'Herminie passé, la réflexion lui revint lucide et prompte. Aussi, ses premières questions furent-elles. « Mais, Ernestine, comment se fait-il que vous soyez venue chez Madame Herbault ? Quel est ce mystère ? Pourquoi vous êtes-vous fait présenter dans cette réunion ?» Ernestine sourit tristement, alla prendre sur une table le journal qu'elle écrivait sous l'invocation de la mémoire de sa mère, et l'apportant ouvert à Herminie à l'endroit où se trouvait le récit, de divers motifs qui avaient forcé la plus riche héritière de France à tenter la pénible épreuve qu'elle avait courageusement subie, la jeune fille dit à la duchesse « J'avais prévu votre question, Herminie. Et comme je tiens à ce que vous me croyez en tout digne de votre affection, je vous prie de lire ces quelques pages. Elles vous diront la vérité, car c'est à la mémoire de ma mère que je les adresse. Monsieur de Maillefort, veuillez prendre connaissance de ce récit en même temps qu'Herminie. Vous verrez que si, malheureusement, j'ai d'abord cru à d'indignes calomnies dirigées contre vous, votre sage et sévère leçon n'a pas été perdue pour moi. Elle seule m'a donné le courage de tenter une épreuve qui, peut-être, vous paraîtra bien étrange, Herminie. » La duchesse prit le livret des mains d'Ernestine. Ce fut alors un tableau intéressant que de voir Herminie assise, tenant l'album ouvert, pendant que le marquis, courbé sur le dossier du fauteuil où elle était, lisait en même temps qu'elle, et comme elle, en silence, le naïf récit de Mademoiselle de Beauménil. Celle-ci, pendant tout le temps de cette lecture, regardait attentivement Herminie et le bossu, curieuse, presque inquiète, de savoir si les deux personnes en qui elle était résolue de placer désormais toute sa confiance approuvaient les motifs qui avaient guidé sa conduite. Bientôt elle ne conserva pas à ce sujet le moindre doute. Quelques exclamations à la fois touchantes et sympathiques lui témoignèrent l'approbation du marquis et d'Herminie. Lorsque tous deux eurent terminé cette lecture, la duchesse, essuyant des larmes d'attendrissement, dit à Ernestine « Ce n'est plus seulement de l'amitié que je ressens pour vous, Ernestine, c'est du respect, c'est presque de l'admiration. Combien, mon Dieu, vous avez dû souffrir de ces doutes affreux! Quel courage il vous a fallu, pauvre petite, pour prendre toute seule un parti si grave, pour affronter une épreuve devant laquelle tant d'autres auraient reculé. Ah, du moins, j'ai pu vous offrir une affection que vous avez dû croire aussi désintéressée qu'elle l'était réellement. J'ai pu vous prouver, Dieu en soit béni, que vous pouviez, que vous deviez être aimé pour vous-même. Oh oui, répondit Ernestine avec effusion. C'est cela qui me rend cette amitié si douce et si précieuse. Herminie a raison, votre conduite est belle et vaillante, dit à son tour le marquis non moins ému. Les quelques mots que vous m'avez dit à ce sujet au bal d'avant-hier, ma chère enfant, ne m'avaient qu'imparfaitement instruit. Bien, bien, vous êtes la digne fille de votre digne mère. Soudain la duchesse, se souvenant de la promesse faite par Ernestine à Olivier, s'écria avec anxiété. « Oh mon Dieu, j'y songe, Ernestine, et l'engagement qu'hier vous avez pris en ma présence avec Monsieur Olivier. » « Eh bien, répondit simplement Mademoiselle de Beauménil, cet engagement, je le tiendrai. »